Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture, où aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler édition et illustration jeunesse avec Manjou et les deux créatrices ou fondatrices de ce nouveau genre, Alex Wagner et Zoé Simon. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, je dis comment ? Mesdames, c'est bien. Ouais, bien. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans les studios de Fadjet pour Caprice de lecture, parce que votre livre est un petit bijou, à mon sens, de littérature jeunesse. Alors, c'est édité aux éditions Patatrac. Oui. Ok, très bien. Depuis quand ? Eh bien, depuis sa sortie, en fait, on a créé Patatrac Édition au moment où on a créé Manjou. Et donc, quelle année ? Eh bien, c'était novembre 2025. C'est du tout frais. Du tout frais. Ouais. Alors, le principe de l'émission, c'est un peu comme je vous le disais hors antenne, 5 grandes questions, 2 coupures musicales chacune de votre choix. Et puis à la fin, eh bien, vous allez nous faire part de votre mot préféré, parce que moi j'aime bien aussi, quelquefois il y a des mots qui en disent beaucoup sur la personnalité de mes invités. Alors on y va. D'où est venue l'idée de Manjou, qui est un livre, alors que moi je trouve plutôt interactif, et surtout pour les 3-6 ans. Alors vous pouvez répondre soit chacune votre tour, vous faites comme vous voulez, c'est comme à la maison. Alors, Manjou est né en fait il y a une paire d'années. C'est venu de mon fils en fait quand il était petit. D'accord. On racontait des histoires avec des livres classiques. Et rapidement, on en est venu à changer les personnages, changer le lieu, changer l'intrigue, etc. Okay. Et puis, au fur et à mesure, il n'y avait plus de livres. Et mon fils me demandait l'histoire avec la bouche. En me demandant, maman, voilà, un dragon avec un trombone dans une forêt, et puis voilà, fallait faire une histoire. Donc, je trouvais ça super que ce soit mon fils, en fait, qui choisisse un peu les éléments de l'histoire, et que du coup, on crée son histoire à lui, quoi. Ok, et toi, du coup, Zoé, tu interviens ? Eh ben, nous, c'est une rencontre, on peut le dire, il y a peut-être un an et demi, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de copines. Ouais. Et puis, ça c'est rigolo. Ouais, c'était drôle. Tu sens la soirée. Ouais, c'est un anniversaire. j'ai bien le concept. Et on a échangé ce soir-là sur le fait que tu voulais écrire un livre, le fait que moi je faisais déjà des dessins. Et puis cette rencontre, on s'est recontacté le lendemain. Je crois que tu m'as contacté direct le lendemain en me disant. Ça a matché tout de suite entre vous. Tout de suite, il n'y a pas eu de doute. Tu m'as fait part de ton projet. Moi, c'était aussi dans mon idée de commencer à dessiner pour les autres. Et puis, on s'est lancé dans l'aventure. On s'est jeté dans le grand bain, quoi. C'est ça. Moi, j'ai dit, j'ai une histoire à raconter. Je ne sais pas dessiner. Et elle m'a dit, moi, je sais dessiner, mais je n'ai jamais montré mes dessins. Super. Vas-y, on y va. Ouais. Donc, vous avez fondé la maison d'édition toutes les deux ? Alors, c'est moi qui l'ai. Alors, c'est pas une maison d'édition vraiment dans le sens maison d'édition qu'on entend, parce que je ne publie pas d'autres livres que les miens, finalement. Okay. Donc, c'est un peu mon statut d'artiste-auteur. Ok, très bien. Mais du coup, tu travailles. Enfin, le fait d'édition Patatrac, ça te permet de t'éditer toi. Voilà, ça me permet d'éditer de m'éditer moi et aussi de donner une certaine légitimité au livre, tu vois, parce que l'auto-édition a quand même un peu mauvaise presse. Oui. Donc, des fois, ça rassure, tu vois, les gens de voir. C'est une maison d'édition. C'est un débat qu'on n'aura peut-être pas forcément là, mais c'est même un peu dommage parce que dans les auto-édités, il peut aussi y avoir de très, très beaux talents et de très jolies pépites. C'est ça. Voilà. Alors, justement, c'est à la fois un livre. Alors, pourquoi j'ai le coup de cœur ? Parce que c'est un livre non-genré, interactif, et puis qui met à bas un petit peu tous les préjugés de genre, etc. Est-ce que vous étiez déjà, toutes les deux, engagées dans ces thématiques-là ? Oui, complètement. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, ou c'est, comme tu le disais tout à l'heure, Alex, parce que ton fils te demandait d'inventer des histoires, que tu en es venu à ça, ou voilà, c'est des thèmes qui vous tiennent à cœur, c'est des valeurs que vous portez, et donc vous les transmettez. Oui, complètement. C'est là-dessus ça a tout de suite matché, parce qu'on avait ces valeurs-là. Ouais. Et puis moi, j'ai un petit garçon atteint d'un trouble du TDAH. Okay. Donc, on a été confrontés à toutes ces problématiques, tous ces regards des autres, le manque de bienveillance, en fait, tu vois, qu'on a par rapport à ça. Toujours des espèces de jugements où les gens ne voient... C'est comme quand on regarde à travers la serrure d'une porte, on ne sait pas ce qu'il y a autour, en fait. Voilà. Et en fait, toi, tu fais aussi passer un message à travers, ouais, à travers les dessins de Zoé. Et ton... Parce que je suis perturbée, les filles. C'est au secours. Alors... Ça va aller, ça va bien se passer. Et en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que, alors pour ne pas dévoiler évidemment tout le contenu du livre, avec la petite roulette là sur le côté, ouais, et on s'attend pas à un moment, il veut apprendre à jouer alors du beatbox, de la harpe, ouais, je sais pas quoi, et je dis, mais... À quel moment on pense à le faire jouer du... Alors ça, ça a été, ouais, ça a été une démarche de ma part de sortir vraiment de, des habitudes, bien, des zones de confort, etc. Ouais, ouais. Donc au début, j'ai écrit l'histoire et je me suis dit, ouais, c'est barbon, quoi. Enfin, ça ressemble à toutes les Tu restais peut-être aussi dans le cadre des histoires un peu classiques. Ouais, classiques. Oui. Et là, encore une fois, bah, notamment pour quand le personnage part à l'aventure, j'ai demandé à mon fils, si tu pars à l'aventure, qu'est-ce que tu mets dans ton sac? Parce que moi, en tant que bonne maman, je mets la brosse à dents, bah le doudou, tu vois, à manger, pyjama, le goûter. Le pyjama. Et non, moi, il m'a répondu totalement à côté. Il m'a dit, un caillou de l'espace, voilà. Et puis c'est parti en vrille. On en a discuté avec c'est Zoé. C'est hyper inspirant. Je me suis dit, ouais, en fait, il faut que je pense enfant, quoi. C'est ouais, pas inclusion. Adulte. Et inclusion. Et inclusion, ouais, bien sûr. Et alors, justement, parce que le personnage de Manju, il a des petits grands yeux comme ça, très ouverts sur le monde. Il est loin des codes, ce que tu disais. Toi, Zoé, est-ce que c'est Alex qui t'a dit, bah voilà, je voudrais qu'il soit plutôt comme ça, que le personnage du dessin soit comme ça? Ou c'est toi, t'as eu carte blanche et t'as dit, allez hop, on y va, je vais créer ce personnage-là? Eh ben, c'est un peu les deux, mais elle m'a quand même beaucoup drivée. Elle avait déjà une idée en tête assez précise de ce qu'elle voulait. Ouais. Et après, c'était un défi pour moi aussi de réaliser un personnage non genré, par exemple. C'était assez difficile qu'il soit pas trop garçon, pas trop fille. Moi, j'y tenais aussi beaucoup et ça a été un vrai défi, quoi, d'arriver à faire un personnage qui était... Et on a eu après, à travers les lectures et les retours qu'on a eu des lectures des enfants, que bah, ça pouvait être un garçon ou une fille, mais que en fait, chaque enfant, il voyait le genre qu'il souhaitait. Ah, ça, quoi. C'est chouette. Et donc, ouais, voilà. Ça, donc moi, j'ai été drivée, mais après, sur la tête qu'il avait, les grands yeux, c'est moi qui ai choisi. Ouais. Ça allait avec la thématique d'inclusion, d'ouverture sur le monde, comme tu le disais, etc. Okay. Voilà. Puis moi, je l'ai écrit en pensant à une fille. Parce que tu identifies forcément un personnage dans l'écriture, et toi tu l'as dessiné en pensant à un garçon. Et du coup, ça donne un personnage absolument non genré. Voilà. Exactement. Voilà. Avec une histoire où il n'y a pas de pronom personnel. Non. Où j'ai tout écrit. Rien. Voilà. On laisse le lecteur ou la lectrice choisir le personnage. Très bien. Alors, on va faire une première coupure musicale de ton choix, Alex, qui est donc un morceau de Bob Dylan. Oui. Est-ce que tu peux nous redonner le titre et pourquoi ce choix? Alors, la chanson, c'est « Blowing in the Wind ». Okay. C'est une chanson... déjà, moi, la mélodie, je la trouve formidable. Bob Dylan est un artiste exceptionnel. Et puis, sa chanson, en fait, j'aime beaucoup parce qu'elle amène plein de questions sans forcément donner de réponse. Voilà, on en vient à s'interroger. C'est vraiment sur la liberté, la paix, etc. Et finalement, Bob Dylan ne donne que comme réponse que la réponse, en fait, elle est déjà là, elle est dans le vent. Et c'est à nous de la trouver, de la voir, en fait, parce qu'elle est déjà là. Donc, ok. Voilà, c'était une chanson qui me parle. Et la mélodie, je la fredonnais à mon petit quand il était tout petit pour s'endormir. Très bien. Eh bien, on revient juste après Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture, toujours en présence de Manju avec ses deux créatrices, Alex Wagner et Zoé Simon. Est-ce que ça va bien les filles ? Très bien, super bien. Ça va très bien. Alors avant de passer à la suite, et donc la troisième question, j'aimerais un peu connaître les retours que vous avez eus sur ce livre, que ce soit des enfants ou des parents ou des personnes qui l'ont acheté peut-être pour offrir, voilà. Comment ça se passe ? Alors moi j'ai eu un super retour d'une amie qui m'a raconté qu'elle a lu le livre avec sa petite fille de 6 ans à l'époque. OK. Et dans la lecture en fait, on amène, bon, sans vouloir trop spoiler, à la fin, on demande aux enfants de trouver un mantra. Oui. Donc on explique que le mantra, c'est un petit mot, une petite phrase pour se donner du courage. Et à ce moment-là, les petites filles répondent à mon amie, bah moi maman, tu sais, j'ai déjà une phrase dans la tête que je me répète tout le temps. Elle me dit, ah bon, bah c'est quoi ? Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Et là, la maman est complètement interloquée. Ah, oui. Mais pourquoi ? C'est pas. Et du coup, ça a emmené un débat, une ouverture de conversation, tu vois, avec sa petite, qu'elle était pas. Elle s'imaginait pas, alors pas du tout que la gamine avait. Pensé ça. Ouais, avait un truc quoi. Enfin, un mal-être. Et du coup, bah, ça, elles ont pu en discuter. Ouais, donc puis, en plus, le bouquin va quoi. Au-delà de l'aspect inclusion et tout ça, c'est-à-dire que ça ouvre d'autres débats. C'est devenu un outil, quoi. Toi, Zoé, t'as eu des retours déjà ? Oui, on a eu pas mal de retours, hein. De toute façon, c'est très positif, mais il y en a eu un qui m'a marqué, c'est une copine qui est au 13e jour où elle l'avait reçu, elle m'a dit, ça fait 13 soirs que je lis le livre en boucle à mon fils. Ah ouais, d'accord, elle le connaît par cœur. Elle me disait, moi j'en ai un peu marre, mais visiblement, lui ne s'en lasse pas du tout. Et ça m'a fait penser qu'on a toutes et tous un bouquin dont on se souvient, gamine, qu'on a lu et relu et re-relu. Et je trouvais ça super beau que pour certains enfants, bah, ce soit le nôtre. Quoi. Ouais. J'ai trouvé ça super touchant. Voilà. Moi, ce que j'en tire comme leçon, c'est qu'on n'arrête pas de nous asséner l'esprit en nous disant les enfants ne lisent plus, ils n'aiment pas lire, etc. Bah, en fait, il faut trouver le bon moyen pour les faire lire. Oui, complètement. Juste c'est un, aussi l'intérêt de l'interactivité du livre, en fait. Ça les capte à mort. Et puis, en plus, dans notre société là, hyper connectée, où tout doit aller vite. Quelquefois, il y a des parents qui ne partagent pas ce temps de lecture, essentiellement le soir quand ils sont jeunes. Et du coup, là, ben, de toute façon, on est obligé d'être à deux pour expliquer certaines choses. Et le parent se laisse aussi emmener, je pense, dans vos différents témoignages. Ouais. Et comme tu le disais justement, Alex, ça ouvre un débat que peut-être les parents n'auraient jamais imaginé. C'est ça. Ça, c'est chouette. Et on a même ouvert le débat avec certains parents en tant qu'autrice illustratrice, où les parents nous ont dit, ah bah, tu vois, là, dans le livre, il manque quand même l'aspect famille, papa, maman. Et je dis, bah non, en fait, justement, ça a été une volonté. Aux premières lectures des enfants, on s'est rendu compte qu'ils allaient systématiquement choisir ce qu'ils connaissaient, donc papa, maman. On s'est dit, bah mince, ils sont déjà dans tous les autres bouquins, on va on les squeeze. Et puis comme ça ouvre l'esprit un peu et les enfants sont un petit peu forcés d'aller découvrir d'autres, tu vois, d'autres choses. Donc c'est vraiment bien. Volontaire, on a expliqué aux parents que c'était vraiment une chose volontaire de notre part. Comme quoi, les schémas ont la vie dure. Ouais, complètement. Les ancrages ont vraiment la vie dure. Quoi. Exactement. C'est compliqué. Hein. Ouais, ouais. Alors, on va parler un petit peu de vous, de votre carrière. Donc, vous avez lancé une cagnotte participative pour pouvoir créer ce livre. Ouais. D'accord. Est-ce que J'ai modifié un peu ma question. Est-ce qu'il y aura une suite à ce livre? Parce que je pense que ça peut être un peu, par exemple, Manjou à la plage ou ce genre de choses. Est-ce que, parce que si ça marche bien, les gens vont être encore plus demandeurs. Ouais. Ou est-ce que vous pensez créer une autre cagnotte participative pour un autre type de projet, toujours à destination de la jeunesse? Comment ça peut s'articuler tout ça? Est-ce que vous avez déjà un peu réfléchi? Alors là, tout de suite, dans l'immédiat, on est toutes les deux parties sur d'autres projets pour l'instant. Ensuite, c'est effectivement, comme ça plaît pas mal, moi j'aimerais bien garder le côté interactif, même si je t'avoue que ça a été une galère à imprimer, à éditer. Mais le côté ludique, interactif, j'aime bien. Le côté non-genré, c'est quand même assez nouveau, on n'en voit pas beaucoup. Ça marche pas mal. Hein. Ouais, donc si on en refait un, je pense que c'est vraiment dans la même idée. Okay. Peut-être pas forcément un nouveau Manjou, peut-être pas forcément au Sri Lanka, tu vois. Peut-être un peu varié, moi j'aime bien faire voyager les enfants, leur faire découvrir des choses. Ouais. Donc je pense que l'esprit du livre resterait le même, mais avec peut-être un autre personnage, pas forcément. Est-ce qu'on peut dire que ce livre aura été la première pierre posée d'une longue aventure, alors qu'elle soit littéraire pour la jeunesse ou même pour vous deux, parce qu'en plus on sent qu'il y a une vraie connexion entre vous deux, elle n'est pas que professionnelle, ça se sent tout de suite. Ouais. J'ai l'impression que vous connaissez depuis toujours, en fait, apparemment pas tant que ça. Ça, c'est chouette. Et les éditions Patatrac, tiens, tant que j'y pense, donc tu crées ta maison d'édition pour éditer tes propres livres. Oui. Est-ce que tu aimerais éditer d'autres livres, d'autres auteurs, ou c'est juste pour l'instant tu restes... Alors j'aimerais bien, mais tu sais, quand on commence comme ça une aventure, c'est compliqué de se sentir confiante, légitime, etc. Et pourquoi tu te sens pas légitime? Moins légitime. Parce que c'est mon premier livre, tu vois. Ouais, mais c'est chouette, t'as fait un super truc. Ah ouais, mais j'ai pas toute l'expérience. T'as un peu le syndrome de l'imposteur, ouais, quelque part. En me disant, tu vois ton nom, tu dis, c'est pas possible, c'est pas moi. Bah si, c'est moi, mais limite, n'en parlez pas trop parce que je suis pas sûre. Ouais, parce que après, j'ai besoin d'avoir des retours. En fait, c'est comme ça. Je vais en salon, ça cartonne, j'ai plein de retours. Après, j'y vais, j'ai personne. Je me dis, finalement, ça intéresse personne. Enfin, c'est vraiment... compliqué. J'ai déjà eu une personne qui m'a contactée sur Instagram pour éditer son livre. J'ai dit, attendez, je ne suis pas une maison d'édition. Après, on m'a dit, pourquoi pas? Là qu'il faut que tu ailles. Je dis, ça va trop vite, là. Je ne suis pas prête. Tu trouves que ça va trop vite? Tu vois, il est sorti en... Ça a pris une ampleur que tu n'attendais pas. Je parle aussi pour Zoé. Alors, moi, j'attendais rien du tout, en fait. Si tu veux, ce livre-là, j'en avais parlé parce que, j'avais fait un burn-out et avec la psychologue du travail, elle m'a dit, mais vous avez cette idée de livre, faites-le, allez-y, on vous verra bien où ça vous mène. Bien sûr. Donc, je l'ai fait, on en est arrivé à le dessiner, on en est arrivé à tellement loin qu'on s'est dit, là, on ne peut pas ne pas l'éditer, pas le sortir. Oui. Donc, on a fait cette cagnotte, etc. Et puis finalement, on coche toutes les cases, le chemin avance, on avance sur ce chemin-là et on se dit, on continue, on verra bien. C'est un chemin qui vous convient? Complètement. Dans lequel vous vous épanouissez? Complètement. Toi, Zoé, tu faisais de l'illustration avant de rencontrer Alex? Alors, je faisais de l'illustration, mais je dessinais principalement pour moi. C'était un boulot aussi de commencer à montrer mes dessins. J'ai commencé tout doucement en exposant dans un bar qui exposait des artistes. Syndrome de l'imposteur aussi? Pareil, la même. C'est pour ça qu'on s'est rejointes, je pense. Je pense la même chose. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout issue de ce milieu-là, mais je dessine depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et en fait, quand j'ai montré, j'ai eu des retours, quand j'ai commencé à montrer mes dessins, des retours assez positifs. Et puis après, j'ai aussi publié dans une toute petite revue. Et ça commençait tout doucement comme ça. Et Alex, c'était juste après ça. Donc, ça a vraiment... c'était comme un petit tremplin en me disant, l'occasion, elle est là, quoi. Et voilà. Et du coup, c'est un peu comme Alex. Moi, j'ai été très surprise du retour de la cagnotte. On a eu beaucoup de retours très positifs de l'entourage. Et juste en en parlant, il n'était pas encore existant. Et ça nous a donné des ailes. Après, on est parti. Oui, là, vous avez une confiance de malade. Voilà. Et là, on s'est dit, on y va, quoi. On se lance. Et puis, les retours sont super. Donc, il faut continuer. S'accroche. Je travaille dans le milieu du livre, mais continuez. Parce que ça va marcher. C'est noté. Non, mais ça va marcher du feu de Dieu, ça, c'est sûr. Ça vous cassez tous les codes. En plus, vous faites en sorte que les parents soient associés à la lecture. Ça se trouve, vous allez même aider des parents à revenir à la lecture. Votre champ des possibles est illimité. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de votre actualité. Donc, que ce soit... Alors, projet littéraire, non, parce que on en a parlé. Pour l'instant, vous savourez le plaisir de votre création, et vous avez tellement raison. En termes de salon ou d'actualité, chacune de votre côté, voilà, qu'est-ce qui va se passer allez, entre septembre et décembre? Voilà, est-ce que vous avez déjà des salons prévus? Est-ce qu'il y a déjà d'autres projets en cours, même s'ils ne sont pas forcément littéraires? Voilà, est-ce qu'il y a des petites choses Alors là, pour moi, je suis actuellement une formation en illustration, moi. Ok, d'accord. J'aurais aimé faire d'autres choses à côté aussi. Et puis, en termes de salon, je me suis inscrite au Livre sur la Place. Alors, okay. On croise les doigts pour que ce soit bon cette année. Ouais. Et puis, plein d'autres salons en Grand Est à venir. Ouais. Très bien. Ouais. Et toi, Zoé? Et alors moi, je suis sur un deuxième livre. Moi, en fait, ça m'a permis d'en parler un petit peu plus autour de moi. Okay. Et du coup, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont plein d'écrits ou de nouvelles qui restent dans les placards et qui auraient envie de le voir illustré. Et du coup, j'ai un deuxième livre qui est déjà en cours, qui est quasiment terminé avec une autre personne. Et puis, j'ai d'autres propositions autour. Là, je dois avoir deux propositions encore. Et voilà, du coup, c'est moi qui dois freiner en me disant je ne vais pas y arriver. Parce que super. Moi, j'ai un boulot à temps plein à côté. Donc, ça, voilà, je dois jongler un peu. Tous pareil, on a un boulot à temps plein. Voilà. Et ça prend du temps. Mais on veut tout faire parce que ça nous plaît. Voilà. Mais c'est mon équilibre aussi. Donc, je sais que j'en ai besoin. Donc, voilà, moi, je suis sur un autre projet aussi. Mais ça ne m'empêche pas d'être investie aussi pour Manjou. On a fait un salon, là, il n'y a pas si longtemps à Metz. C'était super. Oui, vous avez fait le salon à Metz. On était à Metz. Et vous avez eu de bons retours. Ouais. C'était hyper agréable. Génial. Ouais, super. C'est vrai qu'on a des retours de gens qu'on connaît, donc du coup on se dit ils sont pas hyper objectifs, syndrome de l'imposteur. Oui. ils veulent nous faire plaisir, ils savent qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Salons, moi je trouve ça beau parce qu'on a des retours de gens qui nous connaissent pas du tout et qui nous font des retours super beaux et moi ça, je trouve ça nourrit pour la suite. Bien sûr. Voilà. On va faire une deuxième coupure musicale de ton choix, Zoé. Oui. Si tu peux nous rappeler quel morceau tu as choisi. Moi, c'est Familiar de Nils Fram, mais c'est plutôt une chanson que j'écoute de temps en temps. Mais surtout, quand j'ai dessiné Manjou, j'avais besoin de musique. J'aime beaucoup l'électro, mais j'aime aussi beaucoup la musique, classique. Okay. Et c'est un super mélange des deux. Et c'est quelque chose qui m'inspire et m'emmène très loin. Voilà. Pour très dessiner, bien. C'est parfait. Donc, voilà. On va voyager juste avant de découvrir vos mots préférés. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et déjà dernière partie d'émission consacrée à Manju d'Alex Wagner et Zoé Simon. Les filles, je vous avais demandé de réfléchir avant de venir à votre mot préféré de la langue française, donc qu'il soit récent ou pas, ça peut être un mot très désuet ou voilà. Ce qui compte pour moi, c'est que vous nous expliquiez pourquoi vous aimez ce mot. Ok. Alors, on commence par celle que vous voulez. Je commence ? Vas-y. Quand tu m'as demandé, j'ai tout de suite pensé à cancoyote, je ne sais pas pourquoi. J'étais partie dans un débat avec les copains, quand on dit cancoyote. Enfin bon, bref. On s'est dit, ce n'était pas le bon mot. Écoute, tu laisses tomber. J'ai laissé tomber. Alors... non, j'ai réfléchi et je crois que mon mot préféré, c'est étoile. Okay. Étoile parce que voilà, ça c'est un mot déjà très joli et ça fait un peu la transition entre la science et l'imaginaire. Ouais. Ça fait penser aux rêves, enfin les étoiles c'est beau, ça émerveille. Je crois que je connais pas une personne qui regarde pas un ciel étoilé en se disant ouais, c'est pas magnifique. Et puis voilà, c'est un peu les étoiles qu'on a semées dans ce livre pour faire rêver, pour imaginer, donc voilà. C'est drôlement joli, hein. Puis c'est Elliot à l'envers. Ah, en plus. Ouais, c'est le prénom de ton fils. Ouais. Voilà. Trop mignon. Drôlement joli. À toi, Zoé, vas-y. Moi, j'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir, du coup, mais j'aime beaucoup le mot diplodocus. Déjà, j'adore le prononcer. D'accord. Il me fait beaucoup rire. Et dans ma famille, on dit souvent le mot diplodocus à des endroits improbables. Notre but, c'est de le placer. J'ai réussi à le placer dans une copie de partiel quand j'étais en fac. C'est un genre de défi. Et puis, c'est devenu aussi un mot, quand on veut s'échapper d'une situation, on se dit diplodocus, un nom de code que j'ai avec des amis. OK. Voilà, c'est devenu un mot... Ça peut paraître étrange. Je veux dire, quand t'es dans une conversation hyper sérieuse et tu dis diplodocus... Mais même dans un partiel à placer, franchement, c'est un gros c'est défi. Clair. Un gros défi. Une présentation au boulot, tu dois placer diplodocus. Voilà, j'essaie de le faire, vraiment, c'est mon défi. T'aimes et j'adore bien te challenger, mot. Zoé. Hein. Exactement. Ah oui, ouais, t'aimes bien. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, c'est un mot que j'aime bien. J'aime bien l'univers des dinosaures aussi. Voilà, bon, ça. Ok. Merci beaucoup, les filles, d'être venues Merci dans cette émission. Vous, ça me tenait vraiment à cœur et je suis ravie, parce que encore un rêve réalisé. Merci. Donc, on va rappeler le titre de votre premier livre en commun. Oui, moi. J'espère pas le dernier. Ça marche. Donc, Manju, Alex au texte, Zoé à l'illustration. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses parce que vraiment, vous le méritez. Il y a un vrai talent derrière et une vraie connexion entre vous deux. C'est très important parce que ça passe aussi au micro. Ouais. Et moi, je le ressens. Donc, franchement, c'était chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Caprice de lecture.